podcast des loulous, épisode 11. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Salut les petits loups. Ça va aujourd'hui? Oui. Ouais. Aujourd'hui, c'est moi qui pose les questions. C'est toi qui pose les questions? Non, c'est moi. Ah. Non, c'est moi. Alors, vous savez ce qu'on va faire? Ça va être à tour de rôle. Chacun, sur votre tour, vous allez poser une question. Quelle question tu as à poser, Lou? Aujourd'hui, on a accroché les dessins. Les dessins, pourquoi? Le challenge du mercredi. Donc, vous avez fait les dessins hier, vous les avez postés aujourd'hui? Oui. Et qu'est-ce qui est passé quand on a mis les dessins? La factrice. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle avait dit que c'était très très beau. Elle a dit que c'était une super idée et que ça faisait du bien. C'est Pauline et Ronan qui ont décidé ça. Ils sont à mon école. Mais là, ils sont chez eux parce qu'il y a le coronavirus. Eux aussi, ils sont chez eux. Donc tout le monde est chez soi en ce moment. Qui est-ce qui est chez lui et qu'on a interviewé tout à l'heure? Raphaël. Raphaël, c'est qui Raphaël? C'est notre voisin. Et pourquoi on a pu l'interviewer alors? Parce qu'il était dehors. Et il était dehors, mais de l'autre côté du grillage, et il était assez loin. Oui. Alors, autour d'Eli, de quoi tu veux nous parler ou quelle question tu as à poser? J'ai une question. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, Lou? J'ai travaillé pour faire une histoire. Quelle histoire? De Boucle d'or et les trois ours. Est-ce que c'est la vraie histoire de Boucle d'or et les trois ours? Non. Qu'est-ce qu'elle fait, la Boucle d'or? Elle rentre dans le bois. Elle rentre dans le bois? À pied? Oui. T'es sûr qu'elle est à pied? Elle est en... vélo. Et qu'est-ce qu'elle croise? Un ours. Un ours? Des ours. Et puis quoi d'autre? Des cochons sur le skateboard. Et le loup aussi? Le loup, il fait quoi, lui? Il fait des patins à roulettes, mais il s'est pris une grosse baffe. Et donc, qu'est-ce que tu as mis dans l'histoire pour que Boucle d'or, elle ait pas de problème quand elle les croise? Tu as mis des... panneaux. T'as mis des panneaux? Des panneaux de... attention. Ouais, des panneaux de signalisation. Et toi, Eddy, tu as fait quoi? Comme dans mon garage. Bah, j'ai fait mes devoirs. Tu as fait tes devoirs? Et puis, un peu de pâte à modeler? Oui. Alors, tu as fait quoi? J'ai essayé de faire une télécommande, mais ça avait pas marché. Une télécommande en pâte à modeler? Ouais. Parce que tu veux pirater la télévision? Ouais. Ouais. Bon, hé, vous m'avez parlé de l'interview de Raphaël, là. On écoute l'interview de Raphaël? Oui. Ouais? C'est parti? Oui. Allez, on y va. Bonjour, Raphaël. Bonjour, Raphaël. T'es en quelle classe, Raphaël? C'est plus. Tu te lèves à quelle heure le matin? Ça, j'en sais rien. Des fois 10h, des fois 11h, des fois 12h, des fois 13h, et c'est tout. Surtout 9h. Comment tu occupes tes journées en ce moment? Bah, des fois je vais dehors jouer. Bah, loulou. Bah, des fois je joue plus souvent au vélo. Des fois, là, je joue au ninja, mais sinon c'est tout. Est-ce qu'il a fait le challenge du mercredi, Raphaël? T'as fait le challenge du mercredi? Non. Va voir à ma fenêtre, tu vas voir ce qu'on a fait. En fait, hier, on a dessiné tout plein de fleurs et aujourd'hui, on les a installées à ma fenêtre de chambre. Tu aimes dessiner? Bah ouais, surtout les trucs à imprimer, ceux qu'on a plus dans. Bah en même temps, c'était important, c'était pour le travail de Loulou, c'était pour le collège. Est-ce qu'il te manque tes copains? Non. Pourquoi il te manque pas tes copains? Parce que c'est plus mes copains, parce qu'ils sont trop chiants. T'as quelqu'un d'autre peut-être pour t'amuser, toi? Non, il n'en a que deux. Tu t'amuses pas avec quelqu'un, là? Ah si, avec mes autres copains, Ethan, Noam, Noé... T'as des copains, alors? Ouais, mais... Et là, tu t'amuses pas avec ton frère, la journée? Si. T'as pris quoi ce matin au déjeuner? Ce matin, j'ai déjeuné yaourt à boire et du pain de mie avec du Nutella. Et t'as pas pris du jus d'orange? Bah si. Par contre, c'est un amateur de Nutella aussi, hein? Oui, oui. Vous, vous aimez pas le Nutella? Si. Si. Mais je préfère le Nutella, le chocolat à mamie. Ils sont mieux, c'est pas du Nutella. C'est comme le Nutella, sauf que il a pas trop sucré là. C'est meilleur alors que le Nutella. Ouais. Est-ce que tu trouves qu'il y a trop de devoirs? Bah si on les fait par jour, non, mais si on les fait toute une journée aussi. Alors comment tu t'es arrangé pour faire ces devoirs? Comment tu t'es organisé? Bah j'ai fait lourd quoi. C'est papa qui me dit faire. Ah. Donc t'as un maître à la maison. Ah oui, c'est papa. Est-ce que t'es pressé de retourner à l'école? Non. Est-ce que t'es pressé de sortir normalement de chez toi? Bon, ouais, pour aller voir mon compagnie. Tu t'en rappelles quand j'étais venue chez toi et qu'on était monté sur le 4x4 et voir? Ouais. Mais pourquoi on peut pas le faire en ce moment? On faisait que de s'égarer dans la cabane là-bas. Parce que. Là, on peut pas le faire parce qu'il y a le coronavirus. Ouais, tu t'en rappelles quand on avait fait monter le quad là-bas? Ouais, c'est... en plus, quand ils faisaient que de nous suivre. Ça y est, ils sont partis. T'as vu, une fois qu'ils sont partis tous les deux, on les arrête plus. Salut. Salut. Bon, elle est sympa, cette interview. Oui, oui. Vous avez bien discuté, monsieur Élie et oui. Raphaël. Oui. Et après, au grillage, quand on faisait du vélo sur la terrasse, j'ai aperçu Noé, on est allé discuter avec lui. Et Noé, qu'on a eu sur le podcast hier, alors? Oui. Il y a un petit gang ici, un petit groupe de copains de classe. Vous avez du bol, en fait, là. Noam, Ethan, Lilou. Ouais. Et Noé, et toi? Et Noé, moi, Raphaël. Et en plus, vous êtes voisins avec Raphaël et Noé. Eh, il y en a 6. Lou, est-ce que tu as quelque chose à dire? Non, j'ai plus rien à dire. Et toi, Élie, est-ce que tu as quelque chose à dire? Moi, je vais faire le montage avec toi. C'est quoi le montage? En fait, tous les bouts d'attente, yep, on les met à la poubelle. Tous les bouts, il n'y a rien d'intéressant, en ouais. fait. Tu as pas répondu à quelqu'un, toi, aujourd'hui, Élie? Quelqu'un qui voudrait qu'on l'enregistre sur le podcast demain? Oui, Maro. Donc demain, on aura comme invité... Maro. Si ça marche avec le téléphone, demain, on enregistrera Maro pour qu'elle puisse parler à tous les copains. C'est tout pour aujourd'hui? Oui. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Et demain, épisode 12. Épisode 12 déjà? Ouais. Bon, et ben à demain alors. À demain. Non, c'est fini là. Oui.